Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épicast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon pote de New York, Monsieur Banti. Salut Sofiane, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à toi, et on est ravis de te recevoir et on a hâte de découvrir là où les anecdotes que tu vas nous raconter. Mais carrément, écoute, tu veux que je commence par quoi? La scène? La télé? Ce que tu veux. La scène, je me souviens d'un moment où je devais faire un festival à l'étranger, je devais aller jouer au Maroc, avec toi d'ailleurs, oui. Tu te souviens bien. On était ensemble, oui. Tu te souviens bien, voilà. Et je ne pars jamais sans toi, je ne pars jamais sans mon sac à dos, donc jamais sans je sais pas comment je dois le prendre, mais... sans mon ami. Et je me souviens bien, moi, quand on m'avait démarché pour cet événement-là, on m'avait vendu ce festival-là, souviens-toi bien, comme un festival francophone, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on m'avait vendu ça comme étant un petit peu le cousin du Marrakech de Rire, tu vois. Mm-hmm. Mais je crois que c'était un cousin éloigné, mais vraiment éloigné. Parce que du coup, tu vois, j'ai un grand respect pour les Arabes et pour la langue arabe. Mais quand je suis arrivé et que je suis monté sur scène, pour mes 2, 3, 5 premières minutes, voire mes 10 premières minutes, j'ai bien remarqué que le public n'était en aucun cas francophone, mais était exclusivement arabophone, tu vois. Donc à partir de là, ça commence à... Mais tu vois, quand on te vend ça et que toi, pendant 5 jours, t'es obligé d'apprendre l'arabe, non, avec ton pote. Je pense en fait de base que le festival est réellement ouvert, genre tu sais, aux francophones, tout il ça, ouvert, mais c'est le public, si tu veux, le public qui s'est déplacé ce soir-là, il était quasiment uniquement arabophone. Ah, il était arabophone, mais après j'ai appris, j'avais un bon professeur. on a bossé pendant un petit moment, ouais, c'est vrai, et puis t'as fait un passage où tu parlais arabe. J'ai réussi à faire chanter une foule de 2000 personnes. Une foule de 2000 personnes, ouais. C'était Place des Nations Unies à Casablanca. À Casablanca, c'était le dernier soir avant qu'on prenne l'avion. C'est ça, On avait écrit en arabe. Donc c'est vrai que le but, c'était que je te suive et qu'à chaque mot, j'interagisse avec de l'arabe. Et non, c'était excellent. C'était excellent parce que du coup, c'est comme nous, quand on voit un anglais jouer en français chez nous, il y avait vraiment une bienveillance vis-à-vis du public. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Et j'espère y retourner carrément. Bah, avec grand plaisir. Hein. J'espère que tu auras l'occasion de faire d'autres grands festivals également et puis écoute, j'espère avec toi aussi. Prendre autant de plaisir. Bah oui, avec grand plaisir, franchement, qu'on reparte ensemble et puis qu'on revive d'autres aventures. Donc tu avais une autre anecdote sur la télé, m'as dit. J'ai une anecdote sur la télé, mais j'ai fait quelques pas en télévision sans dire. Je peux dire les si ouais, si tu veux. Il y a rien de c'est gentillesse, il y a rien de dégueulasse. J'ai été approché par Touche pas mon poste, l'émission sur C8 présentée par Cyril Hanouna, et c'est vrai que Cyril Hanouna bah on le sait, il organise tout à la One Again, tu vois, à l'arrache. Et je pense qu'il voilà, il prépare ses émissions, mais pas ce qu'il va y mettre dedans, tu vois. Et le souci, c'est que, tu vois, moi, je reçois un texto de la production d'Hanouna me disant le dimanche pour le lundi, écoute, Cyril te veut demain. Moi, j'étais ravi, tu vois, je dis c'est cool. Il pense à moi, le petit gars d'1m60, le petit Niortais, le petit smicard. Et le gars, il m'appelle. Je sais très bien, je fais deux, sauf que il y a une problématique. La première, c'est que déjà, on est en grève de train, tu vois le délire. Ah oui. Tu vois, comment tu veux que je vienne, moi, de Niort à Boulogne, sans train. Donc c'est j'ai dit, chaud. Le gars m'a trouvé un train, tu vois, nickel. Je pars là-bas, je me chauffe et tout, je me maquille, je prépare des thèmes et tout, machin. Sauf qu'au moment où je suis en train de me faire maquiller, Hanouna commence à me lancer, tu vois, à m'annoncer sur scène. Alors sur que t'étais pas encore prêt. J'étais pas prêt, tu vois, parce que Hanouna, on sait très bien qu'il gère son émission comme bon lui semble. Il gère pas trop les fils conducteurs, tu vois. Je dis, vas-y, je cours, machin, tout le monde me chope. Je commence à m'équiper le micro, je commence à y aller. Cyril me voit, la première coupure pub passe, la deuxième coupure passe. La troisième, c'était le générique de fin, je ne passe toujours pas. Donc le gars avait passé un générique, tu vois, comme ça, de moi, donc il diffuse des images de moi, ne me passe pas. La seule chose qu'il voulait de moi, c'était m'avoir auprès de lui pour me certifier. Alors le gars m'a fait faire 500 bornes juste pour me certifier qu'il me voulait dans son équipe, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'avais un aller, il faut savoir aussi que je n'avais pas de retour, parce que pour la télé, on dit souvent que c'est un océan de hasard, c'est vrai. Ce que ça veut dire, du coup, je dis, c'est bien, vous m'avez fait venir, je ne suis pas passé, c'est pas grave, c'est que partie remise, à la limite, tu vois, tu essayes de relativiser. Sauf que t'as pas de retour, je disais bien. Donc pas de on te paye l'aller. On paye l'aller, puis on verra, après, on verra le soir, même. Donc, du résultat, en pleine grève de train, t'avais que dalle, tout est débloqué. Et je n'avais pas de logement non plus. Je n'avais pas un logement. Alors, du coup, je suis allé voir Cyril dans sa loge, je lui dis, oh loulou, je veux bien. Ouais. Parce que, bon, il est très agréable, hein, c'est pas ça, c'est tout l'ensemble à côté. Je lui dis, c'est bien, moi, je veux bien te dépanner de tout ce que tu veux, 30 services, machin, balancer des doses sur toutes les autres productions que je connais, machin. J'ai dit, par contre, je veux dormir, tu vois. Alors du coup, après, bon, il m'a payé un appart et un hôtel de sa poche et ça l'a fait, mais non, vois, c'est voilà, cool. Ouais. C'est la télé. C'est d'après ce que j'ai compris, voilà, le personnage est spécial. Il a son personnage, mais dans la vie, il est très cool. Voilà, ouais. La télé, c'est ce que j'ai entendu. La télé, c'est pas pour en dégoûter, mais la télé, pour moi, c'est un océan de hasard. Moi, j'ai juste enfilé mes brassards et j'attends qu'on. Tu vois, je prends les vagues comme ça, tu vois. Les vagues qu'on m'offre, je les prends avec mes petits brassards et je tente de nager la brasse avec tout ça. Eh bien, écoute, on suivra tes progrès en natation. Ça, c'est. J'ai mon brevet de 25. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Bah ouais, j'ai ma page Facebook Banty, B-A-N-T-H-Y. Après, moi, j'ai mon Twitter également, mais tout est indiqué sur la page. Ok. Principalement. Parfait. Et je crois qu'on dit chez toi, Sofiane et Taï, choukran bizef. Choukran bizef, c'est ça, exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.